Alors, un livre de James Lovelock, Lovelock, Lovelock, qui s'appelle La Revanche de Gaïa. Alors, d'abord rapidement, il avait aussi écrit d'autres livres, je vais les dire rapidement. Une médecine pour la planète, Sang de la Terre, en 2001. La Terre est un être vivant, l'hypothèse Gaïa, en 90. Les âges de Gaïa, chez Robert Laffont, et La Fontaine des Sciences. Non, dans la collection La Fontaine des Sciences en 90. Bref, donc c'est pas. C'est le dernier opus concernant Gaïa. Le sous-titre du livre, La Revanche de Gaïa, c'est Pourquoi la Terre riposte-t-elle et comment pouvons-nous encore sauver l'humanité? Bon, c'est un tableau très pessimiste. Qui parle pour être précis, enfin, à la fois synthétique et précis, c'est le réchauffement de la planète lié aux activités humaines et au fait qu'on empêche la Terre de faire ce qu'elle avait fait jusqu'à présent, c'est-à-dire s'autoréguler. Voilà, c'est le cœur du livre. Alors, pour ne rien oublier, je vais essayer de prendre les. Enfin, rien oublier. Pour en oublier un peu moins, je vais essayer de prendre les grands chapitres du livre. Bon, alors d'abord, l'état de la Terre. Alors, je me souviens plus ce qu'il dit dedans. Mais en gros. Bon, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, quoi. Le niveau moyen des températures augmente très significativement. Il y a une accélération de l'augmentation de la température. Dans le même temps, il y a une explosion de la quantité de carbone dans l'air. Donc là aussi, c'est très très significatif. Et bien sûr, on sait que ces deux données sont corrélées, et d'où l'inquiétude de Lovelock. Alors d'abord, il explique un peu ce que c'est Gaïa, parce que c'est. Alors, à l'en croire, c'est lui le chantre de cette théorie. Bon, je sais pas, hein, j'entends des choses. Bon, il n'est pas certain que ce soit le seul auteur, inventeur de cette théorie. Hein, mais il a l'air manifestement d'être celui qui est pivot là-dedans. Donc, Gaïa. Alors, Gaïa, c'est le fait, oui, c'est voir la Terre comme un être vivant. Alors, ça implique. Alors, c'est bien sûr, c'est une sorte d'image, mais image qui s'appuie sur le fait que, pour simplifier, tout ce qui se passe sur la Terre, à la fois au niveau de ce qu'il y a sur la Terre, de non humain, c'est-à-dire des océans, des glaciers, les minéraux, enfin tout ce qui se passe dessus, qui varie aussi, parce que ça n'est pas complètement stable, bien sûr, eh bien. Ça, plus le monde du vivant, eh ben ça fait un être qui s'appelle Gaïa, qui est en pleine qui vit. Et donc, on ne peut pas le on peut pas isoler la vie du reste et vice versa. Alors, ça signifie, en gros, pourquoi tout ça? Parce que, selon lui, Lovelock, il y a une continuité, la température moyenne sur Terre, dès lors que la vie est apparue, il y a un système d'autorégulation qui s'est mis en place pour faire en sorte que les conditions. Alors, la vie, bien sûr, elle est complètement au cœur du système, mais il n'y a pas que la vie, parce qu'effectivement, elle met en jeu d'autres forces, justement géologiques. Enfin, si on considère la glace, par exemple, c'est pas la vie, mais elle est pilotée, c'est un élément de Gaïa pour réguler sa propre température. Et quand la vie est apparue, donc, elle a fait en sorte de maintenir des conditions de vie sur Terre les plus optimales possibles. Alors, ça donne au départ une production de une consommation du carbone et du déchet L'oxygène. Et donc c'est assez amusant. Déjà, voilà, c'était ça, l'oxygène en tant que déchet, qui a rendu possible des formes différentes de vie, différentes d'une algue unicellulaire, etc. Bon, dont nous sommes issus, enfin, dont nous avons besoin, et donc voilà. Mais alors, ce qui est intéressant, son argument essentiel, que je trouve intéressant, si c'est bien vrai tout ça, mais enfin bon, a priori il y a du vrai, c'est-à-dire que le Soleil, donc la Terre a moins de 5 milliards d'années, le Soleil a 15 milliards, non, l'univers a 15 milliards d'années, le Soleil est un peu plus vieux que la Terre, mais en gros, dans son évolution, le Soleil génère de plus en plus d'énergie, donc il rayonne de plus en plus fort. Jusqu'à un beau jour, avant de mourir, avoir une taille énorme, donc exploser littéralement. Mais pour l'instant, il a une croissance, je dirais, régulière, depuis des milliards d'années. Par rapport à cette croissance, il est anormal. Alors, anormal, si on considère le système, si on considère la Terre comme non régulée, il est anormal de considérer une si faible augmentation de la température. Et ça, c'est sur une échelle de temps très longue, c'est sur 3, 4 milliards d'années. Normalement, la température sur Terre aurait dû augmenter. Ça n'est pas le cas, en tout cas, elle aurait dû augmenter de façon plus significative. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Et les outils de la régulation sont, alors là, bon, j'ai pas tout retenu, mais sont multiples, hein. Il y a globalement le stockage du carbone, tout simplement. Et puis les aires glaciaires, par exemple. Lovelock nous apprend que les aires glaciaires sont plus longues que les aires interglaciaires, qui présentent plutôt c'est une sorte d'anomalie dans l'évolution du système. Enfin, une anomalie. Une période courte. Et donc, ces aires interglaciaires, qui avant, il y a très longtemps justement, d'après Lovelock, étaient plus longues, aujourd'hui ont tendance à rétrécir, offrant plus de temps aux aires glaciaires elles-mêmes. Et ça s'expliquerait par le fait que l'aire glaciaire, alors c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que le Soleil se réchauffe et du coup on a des aires glaciaires. Alors en fait, ça s'explique par le système suivant, c'est que lors d'une ère glaciaire, une plus grande partie de l'énergie reçue du Soleil par la Terre est renvoyée dans l'espace et non absorbée à cause de la réverbération, enfin du fait que le rayonnement solaire est réfléchi par les couches de glace et de neige. Je crois que c'est l'albédo. Ça doit être ça. L'albédo, c'est le fait de quantifier le. Soit c'est la quantification de ce qui est de l'énergie, la part de l'énergie qui retourne vers le ciel. Soit c'est tout simplement le fait que une terre. Alors ça va dans les deux sens, mais un emballement, par exemple, on est dans une ère interglaciaire. Il fait de plus en plus froid régulièrement jusqu'au jour où la neige ne fond pas pendant un été et là il y a un emballement, c'est-à-dire que la Terre ne peut pas se réchauffer. Donc l'année d'après, là tout à coup on a une courbe qui croît vers le froid très vite, de plus en plus de froid, de plus en plus donc de neige l'année suivante. Il suffit qu'au moins un an la neige ne fonde pas l'été et là voilà. C'est un peu le système du permafrost qui nous mettait en danger dans l'autre sens. C'est-à-dire que. Alors, enfin, bon, c'est encore autre chose, mais les terres sont effectivement dans certaines parties du globe, les terres sont gelées toute l'année. Alors, peut-être pas les premiers centimètres en été, mais très vite dessous, les terres sont gelées. Et c'est en train de changer d'ailleurs, en Sibérie, au Canada. Donc l'emballement inverse, c'est lorsque globalement on est dans une ère glaciaire, mais la température moyenne augmente jusqu'à ce que tout à coup la couche de neige est tellement fine que pendant un été elle est percée, Donc elle disparaît par endroits. Et là, il y a un effet d'emballement vers le chaud. C'est-à-dire que l'énergie solaire est captée par le sol, fait fondre la neige autour, la Terre se réchauffe et du coup, l'année suivante, la Terre, la durée pendant laquelle la neige va recouvrir le sol va diminuer très nettement. Voilà, c'est l'emballement inverse. Bon. Alors, ces aires interglaciaires, ces aires glaciaires qui sont de plus en plus nombreuses pour cause de réchauffement global du Soleil. Voilà, c'est la réponse de Gaïa pour maintenir la vie sur Terre. Ouais, c'est assez amusant. Ensuite, il y a les forêts aussi. Les forêts qui rafraîchissent plus la Terre qu'un désert, bien sûr, ou qu'un. Parce que cette énergie est captée par les plantes, plutôt que de servir à réchauffer. Ou alors, parce que bah, la couleur est sombre. Attendez, comment ça se passe? Oui, mais là, c'est autre chose. Ouais. Mais bon, c'est en tant qu'énergie et pas en tant que chaleur uniquement. Et puis aussi le stockage du carbone. D'ailleurs, c'est tout le problème des combustibles fossiles. Tout le carbone stocké, c'était peut-être une réponse de Gaïa pour limiter la température sur Terre. Bon, tout ça, c'est un peu. Me dépasse un peu, mais enfin, voilà en gros ce que j'ai compris du principe général. Il y a aussi un point, alors je reviendrai peut-être plus tard, mais qui est essentiel selon lui par rapport aux océans, c'est le fait que. Alors, comment ça se passe? Qu'au-delà de 10 degrés, la température. Quand la température de l'eau dans un océan dépasse les 10 degrés, on a une frange morte de la couche qui est supérieure à 10 degrés, donc par exemple les 30 premiers mètres. Et du coup, on n'a plus d'échange entre la couche supérieure de l'océan, les premiers mètres, et la couche inférieure. Et du coup, or cet échange, il favorise la vie. Et donc la vie océanique, le plancton, etc. Et donc c'est très préjudiciable au biotope, et notamment donc c'est là-dessus qu'il s'appuie pour dire que une situation où la mer est fraîche, enfin où en gros la température terrestre est basse, est plus propice à la vie que l'inverse. Voilà ce qu'il fallait savoir. Alors, mécanisme de la régulation. Bon, là, j'ai donné quelques éléments. La biographie de Gaïa, voilà, il explique ça, justement, ce que j'ai expliqué, sur le fait que, selon lui, ben, c'est bien la preuve que là, on touche. En regardant l'évolution, il sent que le Soleil va être de moins en moins apte à donner le rayonnement nécessaire à la vie, c'est-à-dire nécessaire dans le sens qu'il va en donner trop maintenant. Et si on empêche Gaïa, par notre activité humaine, si on empêche Gaïa de réguler la température en agissant nous-mêmes sur, je sais pas moi, la déforestation ou surtout la génération de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, eh bien là, on empêche Gaïa de réagir. Donc, prévision pour le 21e siècle, alors je ne me souviens plus, mais en gros. En gros, c'est dramatique. Selon lui, dans 100 ans ou plus tard, on va avoir des augmentations de température tellement nettes que l'idée, c'est qu'il y a des états stables. Et que si on franchit certains seuils, on va retourner dans un autre état stable, mais on va changer d'état stable. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans le système où on va revenir, où la Terre peut encore essayer de viser l'état stable, par exemple une température moyenne de 13 degrés sur Terre. Si on force la température au bout d'un certain temps, même si on relâchait la pression, eh ben c'est trop tard. La température sur Terre restera à un autre niveau, par exemple 17 degrés au lieu de 13. La métaphore, ce serait celle du chameau, je crois, c'était ça. En fait, le chameau a deux températures. une la nuit et le jour. Parce qu'effectivement, dans le désert, les écarts de température sont tellement élevés qu'il serait très coûteux en énergie de vouloir réguler la température du chameau à une température constante sur 24 heures. Donc pendant la journée, il a une température qui atteint, je sais plus, 37, 38 degrés, et la nuit, elle descend à 34, je crois. Donc c'est deux températures, une sorte d'hibernation finalement, mais quotidienne. Voilà l'idée. Et donc la Terre, ce serait un peu ça. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte, mais on a peut-être déjà donné de quoi. On a déjà donné à la Terre de quoi dépasser un état stable. Enfin, de quoi changer d'état stable. Donc ça, c'est ce qui l'inquiète. Alors après, il parle un peu, là ça devient un peu plus amusant, il parle des sources d'énergie, les combustibles fossiles, etc. Bon, il parle de beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, par exemple sur l'hydrogène, ou... Bon. La seule chose, c'est... Pour résumer, c'est ce que j'avais dit à un ami, c'est un... James Lovelock, c'est un scientiste décroissant, ou un... Décroissance scientifique. Il a compris que, ok, l'homme devait lever le pied. Pour lui, ça va jusqu'à faire en sorte que la population humaine décroisse. Ben, bon, ok, hein. Moi ça me choque pas. Dès lors que c'est pas quelque chose de. Dès lors que c'est quelque chose de où l'humanité en prend conscience et tente d'infléchir les choses dans le bon sens, ça ne me choque pas. Et que ça se passe pas juste en. Je sais pas. Comme en Chine, quoi, par exemple. Donc, scientiste, parce que c'est intéressant. Il est quand même conscient que toute avancée technologique est une sorte de dette que l'homme contracte vis-à-vis de Gaïa. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on découvre quelque chose qui nous donne une forme de puissance de type, enfin, technologique et donc pour agir sur le monde, ben, c'est quelque chose de dangereux parce qu'il y aura forcément un retour de bâton. C'est-à-dire que plus on peut tordre le système Gaïa, plus à un moment on le détraque. Et au point qu'un jour on se retrouve dans la situation où on ne peut plus faire marche arrière. Parce qu'on n'aura pas respecté les principes de régulation de Gaïa. Mais pourtant, alors lui, il va jusqu'à. Alors il défend le nucléaire. Voilà. Mais alors, bon, moi, personnellement, je pense que le nucléaire aujourd'hui, est sans doute une bonne énergie de transition. Lui, c'est un peu ça aussi qu'il pense. Mais il va beaucoup plus loin. Hein. Nucléaire, c'est l'énergie parfaite. Alors il va loin, quoi, parce qu'en fait, il dit que le nucléaire, ça n'a pas fait autant de morts que ça, que c'est même Tchernobyl, c'est un non-drame, quoi. Il y a eu des morts, mais pas autant qu'on le disait au début, etc., etc. Que les gens qui travaillent dans les centrales nucléaires, ils meurent pas plus de cancer que les autres. Enfin bon. Voilà, bon, les arguments un petit peu fallacieux selon moi. Il y en avait un qui était vraiment mauvais, mais il faut que je retrouve. Ça ne me revient pas. Mais bon, voilà, le nucléaire. Alors lui, bien sûr, il vise la fusion, hein, comme tout bon scientiste. Ok, peut-être. Il dit surtout, bien sûr, que le mérite du nucléaire, c'est que on ne génère pas de dioxyde de carbone. Et qu'elle est fiable, etc. Alors, sauf qu'il passe sous silence le fait que, bah, l'été, on peut pas mettre une centrale nucléaire n'importe où si on veut qu'elle continue à fonctionner, pour cause de cours d'eau limite. Que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on ne roule pas au nucléaire. Et puis le fait que, enfin, puis c'est une vision très anglo-centrée, je dirais. Il parle de son petit pays. Enfin, pour quelqu'un qui a une vision de Gaïa, je trouve que bon, parfois il est un petit peu, il juge vraiment à son aune, hein, et c'est tout petit. Et là, ça se sent parce que le nucléaire, Par combien de pays ça peut être maîtrisé, quoi? Et maîtrisé dans de bonnes conditions, c'est un risque. Bon. Et ça, c'est jamais abordé, hein. On ne sait pas comment le tiers-monde va trouver son énergie, hein. Bon, bref, enfin, il y a plein de défauts à une telle défense. Bon. Et dans le même temps, il a beaucoup de. Alors, lui, il se pense vert, dans le sens écologique, écologiste, mais vert, bon. Mais alors, il critique énormément les écolos, bon, les bobos, quoi, les citadins qui veulent se donner bonne conscience, tout ça. Bon, ça, c'est. On n'est pas cohérent, quoi, qu'on oublie que les pesticides ont sauvé beaucoup plus de vies qu'elles vont en tuer, etc. Donc, le bio, c'est n'importe quoi, parce que de toute façon, ça nourrit pas assez la terre, les hommes, etc. Donc. Bon, il critique le bio, il fait l'apologie du DDT, pesticide très utilisé au début, dont on a ensuite vu qu'il était dangereux, mais c'est vrai qu'il a sauvé des vies au passage, mais enfin. Bon. Tout ça pour dire que c'est un peu gênant, ça. Alors, donc, il aime bien critiquer les écolos démagos. Et dans le même temps, la phrase que je creuse, mais dans le même temps, il est à la fois scientiste, et puis il a des sympathies pour l'écologie profonde. Alors, c'est traduit comme ça, mais c'est. En français, ça se dit pas comme ça, je crois. C'est la deep ecology. Et ça, c'est des écologistes. Alors moi, j'ai entendu des critiques. Mais bien sûr, je sais pas ce que. Enfin, bien sûr, je ne sais pas ce que ça vaut exactement, en fait. Parce que j'ai jamais lu de choses directement émanant d'eux. Par exemple, la décroissance, on entend des critiques sur la décroissance. Mais moi, qui lis un peu des choses sur la décroissance, les critiques sont complètement à côté de la plaque. Pour la deep écologie, je ne sais pas si c'est le cas. Je sais juste que ils sont traités de fascistes. Parce que pour certains, l'homme doit disparaître, ou c'est. Enfin, du moins, ils ont une attitude qu'il vaut mieux qu'un animal vaut autant que l'homme, etc. Bon, ça, c'est condamné par les autres. Par tout le monde, en fait. Bon. Alors que, bon, soit c'est pas si choquant que ça. Parce que James Lovelock passe son temps à dire que ce qui compte, c'est Gaïa et pas l'homme. Parce que finalement, sans Gaïa, il n'y aura plus d'homme. Alors c'est un peu ça se mord la queue, faudrait savoir quoi. Si l'homme ne compte. Bon, l'homme ne compte pas juste devant Gaïa. Bon, je veux bien, mais. Bon, bref. C'est pas un penseur, c'est un technicien quoi. C'est un technicien dans tout ce que ça a de mauvais. C'est-à-dire qu'il remet pas en cause. Il va jusqu'à suggérer qu'avec nos super centrales nucléaires, on se mette à générer notre propre nourriture de synthèse à base de l'azote et du carbone de l'air. Eh ben, on va bien manger avec ça. On se demande où va trouver tous nos petits nutriments, la digestion. Enfin, c'est pas. Il y a un côté complètement absurde parfois. Peut-être que c'est pas si absurde que ça, j'en sais. Moi, ça me paraît complètement. Là, pour un peu, les Américains auraient raison, quoi. Allons-y, allons plus loin dans la technique et la technoscience. C'est ça qui va nous sauver de la technoscience. Bon, moi, ça me paraît douteux comme raisonnement. Donc, voilà, je suis pas très convaincu sur ce point. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Donc, ouais, très pessimiste, hein, sur l'évolution de la situation de Gaïa. J'essaye de retrouver des idées éventuellement en feuilletant. Voilà, il fait partie de ce point de vue-là. Il faut se dissocier du métabolisme de la Terre. Oui. En gros, il faudrait pas être là. Et là, il rejoint la deep ecology. Il faut pas être là, mais faut faire du nucléaire. Faut pas rêver quand même, hein. Je ne vois pas faire du nucléaire et. Bon, enfin. Alors, il déplore que sa campagne est dénaturée, et puis dans le même temps, il dit, ouais, mais le nucléaire, c'est tellement pas dangereux que moi, je suis prêt à accepter les déchets nucléaires. De centrales dans mon jardin. Bon, il en rajoute quoi. Moi, je trouve qu'il mélange un peu tout quoi. Je pense que c'est sa génération aussi. Chaque génération. Alors, peut-être aussi tort. Il a peut-être aussi tort que moi. Enfin, je sais pas. Mais il n'est pas toujours très convaincant de ce point de vue-là. Puis il fait un peu vieux crouton. Hein. Enfin, c'est mon point de vue, mais il fait un peu vieux crouton qui défend son steak. Hein, il passe son temps à se vanter, mes amis, moi, ma théorie Gaïa. Et un peu comme dans le journal La Décroissance, un peu le même attitude à dire. À un moment, il passe en revue tous ceux qui n'ont pas compris que Gaïa, c'était la théorie. Bon, peut-être autre chose à faire. Enfin. Par contre, là où il fait preuve de plus de psychologie, là, il allait le plus loin qu'il pouvait dans l'humain, c'est quand il commence à essayer de réfléchir à ce qui pourrait changer notre mentalité. Mais au lieu de réfléchir au fait que ben, l'homme est englué dans son instinct du toujours plus. Ah non, ça, il réfléchit pas une seconde. Par contre, il pense quand même qu'on pourrait sensibiliser par l'apprentissage les jeunes générations à cette idée que Gaïa, qu'on doit respecter la Terre et intervenir sur elle le moins possible. Bon. Ok. Mais voilà, c'est ce qu'il peut faire de plus fort en termes de psychologie, je crois. Bon, je retrouve plus le point, c'est dommage, il y avait un point vraiment qui m'intéressait. Oui, bah, il critique énormément les énergies renouvelables, mais sans aller assez dans le détail. Moi, je veux bien qu'on critique l'éolien, mais bon, alors, il critique énormément. Donc, c'est pas rentable comme énergie. Bon. Ouais, moi je veux bien, mais moi, quand on dit ça, il faut plus démontrer, quoi. Dans d'autres domaines, il rentre un peu plus dans la technique. Il dit juste c'est nul, c'est une énergie de con. De toute façon, si on voulait en Grande-Bretagne, toujours en Grande-Bretagne, il nous faudrait une éolienne par kilomètre carré. Puis c'est pas beau une éolienne, non. Enfin bon, bref, il rentre un peu dans les clichés classiques. Bon, bref, de ce point de vue-là. Je sais pas, c'est vrai que c'est un peu compliqué si c'est comme le photovoltaïque. Alors là, ouais, par contre, là, autant sur le photovoltaïque, moi j'avais entendu dire il fallait plus d'énergie pour produire un panneau photovoltaïque que toute l'énergie produite par le panneau lui-même pendant toute sa durée de vie. Alors si c'est le cas, effectivement, il n'y a aucun intérêt en termes d'énergie pure, c'est juste un intérêt de déporter la production d'électricité localement. Mais là, par contre, il critique pas, il dit que peut-être qu'il faut continuer la recherche, qu'on va trouver on va faire des panneaux à moindre coût énergétique, quoi. Bon, ok, on continue, quoi. Et pourtant, à d'autres moments, il a une attitude qui est intéressante, hein, d'ailleurs, très très rationnelle, sur le plan de tout ce qui doit être fait. Enfin, le rapport entre le coût et ce qu'on peut en attendre. C'est-à-dire qu'en gros, il y a certaines solutions qui pourraient peut-être être intéressantes si on était capable de les mettre en œuvre dans des délais suffisants pour pas tuer la Terre. Donc là, c'est assez intéressant, ça. Ouais, j'essaye de. Excusez-moi, là, je fais une petite pause. Je viens de sauver la vie d'une mouche. Voilà. Non, mais c'est pas simple. Hein. Donc, voilà, un livre très intéressant, malgré tout, que je conseille. Parce que c'est pas une race si courante que ça, les décroissants scientistes. Mais il oublie un peu l'homme là-dedans, quoi. Mais cela dit, il y a plein de pistes intéressantes. Penser qu'il faudrait un demi-milliard d'hommes sur Terre, que c'est peut-être le seuil au-delà duquel on a un système qui est encore viable et qu'au-delà on ne sait plus gérer, c'est à la fois peut-être triste, mais pour moi c'est pas triste. Tant qu'on ne fait pas de génocide pour y arriver, c'est pas triste. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, si on ne le fait pas de nous-mêmes, par l'auto-contrainte, bah c'est Gaïa qui nous fera comprendre. Bon, il a probablement raison, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on voit rien. C'est ça, il reconnaît. Hein. On n'a pas les éléments pour que notre intuition puisse rentrer en jeu. On n'a pas. Notre système perceptif, bref, nos sens, ne nous donnent pas suffisamment de champ pour sentir ce qui va nous tomber dessus. Bah, je pense qu'il a raison, hein. Quand on entend, là, je prends un exemple, hein, donc en 2007, l'été 2007, là, on est combien? On est le 26 de juillet. Alors on a eu un très mauvais mois de juin, enfin on a aussi un mauvais mois de mai et un mauvais mois de juillet. Mais rien que le mois de juin, En France, il est à 1 ou 2 degrés au-dessus des normales saisonnières, alors que l'impression était très mauvaise. Donc c'est ça qui est quand même assez troublant, c'est qu'en fait, effectivement, on est vraiment mauvais pour estimer ce genre de choses. Parce que l'ensoleillement était faible, parce que les pluies étaient élevées, et parce que le mois d'avril était très beau, très chaud. Du coup, on pouvait se dire que, enfin, du coup, relativement, le mois de juin apparaît comme très mauvais. Alors très mauvais, peut-être pour les touristes, mais d'un point de vue température, très élevé, assez élevé quand même. Donc c'est un exemple qui montre que on n'est pas vraiment apte en fait à estimer des choses à cette échelle. Alors il pense aussi qu'il faudrait faire un livre pour l'avenir, pour que les hommes redécouvrent les choses en médecine, etc. Donc, ça, je trouve ça marrant parce que c'est un peu on va mourir d'avoir découvert tant de choses. Et alors, tout de suite, on s'inquiète que dans le futur, après post-apocalyptique, on puisse avoir perdu notre connaissance. Et il citait par exemple le choléra. Le choléra, il faut qu'on écrive ça dans un livre, tout ce que le choléra, comment combattre le choléra, parce que ça permettrait aux hommes de s'en protéger dans l'avenir, alors que sinon, ouais. Peut-être qu'il a raison, mais c'est toujours pareil. On en parlait avec un ami une fois. C'est ce rapport à la combattre le choléra. Pourquoi il arrive en général à cause de la promiscuité, la pollution organique, le fait que les égouts soient plus maîtrisés, etc. Et finalement, c'est ça qui induit une multiplication de l'homme et donc une accélération à la fois de la densité humaine et des découvertes, etc. Tout est comme ça. Tout est lié finalement. On peut pas. Alors je dis pas qu'il faut laisser les hommes mourir de choléra, peut-être que c'est. Mais en tout cas, c'est. On peut pas refaire tout pareil et espérer qu'on soit tout différent, hein, non? Il faut bien faire les tri, quoi. Bref. Bon, ça c'est ma petite réflexion à moi. Bon, ben voilà, en gros, ce que j'ai retenu. Voilà, donc pour lui, hein, on est. La fusion, c'est l'avenir, ouais. Si on y arrive, quoi. Bon. Et puis l'avenir pour qui? Pour ceux qui la maîtriseront, il y aura trois centrales au monde qui coûteront. Par contre, sur les biocarburants, je le rejoins. Et c'est complètement absurde de vouloir encore diminuer la capacité de Gaïa à s'autoréguler en faisant des biocarburants pour continuer à rouler comme des fous. Là, il a tout à fait raison. Pour moi, là, c'est évident. Donc, bon, je suis. Globalement, je suis convaincu par une part de tout ça, en tout cas, ça c'est certain. Voilà, donc c'était James Lovelock, La Revanche de Gaïa. Pourquoi la Terre riposte-t-elle? Voilà, c'est tout pour ce livre.